Esprit Vandal, Esprit de ma ville, Valdez, c'est Craspec. Avec la dalle, ça vole ça, deal, ça tease et la jeunesse. Avec la bac, reste en conflit, faire sa maïs, faire la malle. Esprit Vandal, Esprit de ma ville, Valdez. C'est pour mon pote Vandal, Robus, Manu, Malik, alias la bête. Le changement se fera pas demain la veille. Mange-toi un cul de vieille, mais l'envieuse. Ce que je dis est simpliste, c'est bas, c'est plat, je m'en bats. La vie est tellement simple qu'on se la complique, voilà une phrase qui fera débat. Débat, débat. Depuis le départ, on colle une étiquette. Y'a la couleur de ma peau, mon look, mes origines géographiques ou les différents codes postaux, que shit. Paraoublé, je suis un stéréotype, je suis né dedans. J'ai pas le temps d'être raciste ou matrice, les filles, je suis inscrit en rouge. Sur carton, ma dame embrouille, les gens sont fous, j'en fais fouiller, ils font sans avoir lu ce qu'il y a pas. Marginal en marche, souffle le genre musical, à tour de naufrage, chacun maintient sa position. Ça, ça reste hostile. Face à la police raciste, bah oui, j'ai mal poli comme le DZ. Ça, c'est dans les gènes qu'un fric. Damarien va s'en prendre, là, les fesses, c'est ça les gènes. Comme la Marie-Jeanne et la chiche qui se filme en réunion. Dehors ou en bas des tours, et puis de toute façon, on partage toujours les emmerdes, jamais de pognon. Esprit Vandal, esprit de ma ville, Valdez, Valdez. Esprit Vandal, esprit de ma ville, Valdez, c'est Grasbeck. Avec la dalle, ça vole, ça deal, ça tease, et la jeunesse. Avec la bac, reste en conflit, faire sa maïs, faire la maille. Esprit Vandal, esprit de ma ville, voilà la mentale. Esprit Vandal, esprit de ma ville, Valdez, c'est Grasbeck. Avec la dalle, ça vole, ça deal, ça tease, et la jeunesse. Avec la bac, reste en conflit, faire sa maïs, faire la maille. Esprit Vandal, esprit de ma ville, Valdez. Esprit Vandal, esprit de ma putain de ville. Même quand je marche bancage, je vais encore du whisky. C'est le KR qui sort là de vieux Giro, vieux reçu, qui sont une arme devant leurs deux yeux. C'est pour les du bloc à les anciens skinush qui piaffe sévèrement sans fume des putains de muches. Est-ce que Jiki face Bibi normal sur la dalle représente les clébards sur l'asphalte. Mon cavouré, quartier rouge pénard, garaftage on cas et va pas croire que quartier rouge galap. Cranes tes moulins, j'pira la rage ou beat Bibi non mimine vinyle et mini. J'mimise pas, j'm'invite ça la race internationale. Le pseudonyme alcoolique ou anonyme, j'tine à la dream team. Fais-toi un filtre air et roule un joint de culasse. Range ta liasse, c'est gratis les tasses bien grasses comme cette putain de base. Depuis le temps qu'on fasse le MIC, on est encore dans la passe. Des jaloux veulent stopper notre marche en avant, mais fuck les. Si demain ça paye, quand ils verront nos chibis, ils iront croquer. KOR, SOS, RIC, Litzo. Cimera, FOX pour le brief, refrain Michto. Excès d'alcool dans les veines, faut que j'aille pisser. Le refrain arrive à l'arrache, comme les huissiers. Esprit Vandal, esprit de ma ville, Valdez, c'est Grasbeck. Avec la dalle, ça vole, ça deal, ça tease, c'est la jeunesse. Avec la bac, reste en conflit, faire sa maïs, faire la maille. Esprit Vandal, esprit de ma ville, voilà la mentale. Esprit Vandal, esprit de ma ville, Valdez. Avec la dalle, ça vole, ça deal, ça tease, et la jeunesse. Avec la bac, reste en conflit, faire sa maïs, faire la maille. Esprit Vandal, esprit de ma ville, Valdez. Valdez, Valdez. Valdez, Valdez. Valdez, Valdez, Valdez, Valdez, Valdez. Esprit Vandal, esprit de Valdez. SRI, SRI, Corse, alias, perso, alias, perso. Vidulaire, vidulaire. L'équipe, l'équipe, t'es vénère, t'es vénère. Manolo, Manji, Manji. Bunker Studio, DJ AP, DJ Shine, Paul Shine, Demon, Giz, Giz, Esprit Vandal, Esprit Vandal, Esprit Vandal, Valdez, Valdez, Renage, musique, musique, musique. Belle de voix, un peu de tabac, de la bœuf, un peu de charasse. Histoire d'être high que je lâche un peu de pavasse. Le parasite, la menace fantôme, cousin. Passe-moi un peu de tabac, la bien petite race pour être high. Histoire que je lâche un peu de pavasse, je suis que de passage. Pas l'US comme JL2, c'est Val2, 1-2. Mystique, juste mystérieux mais accessible. Marianne, une exhibitionniste, Miss France 2008, fait du striptease. Une époque de malade, 500 la fin des temps. Le poil est oublié, t'as l'hôpital psychiatrique, fleuré et fred, un business fleuri sans les draps, sans frotte les mains, le temps c'est de l'argent, ça n'arrête jamais de tourner, t'as vite fait déjouer, sur Paris finir en chien, ébroué, rien de cool, tu peux finir par t'écrouler, tiens le coup, que c'est ça, derrière déguisé, genre une lame, d'un coup coupe, écrire pour écrire m'intéresse pas, moi j'écris peu, tant pis, esprit vandale, bave là le 2, on sort 3 puis j'apprenne 1, la même période à peu près, et c'est même pas fait exprès, dès qu'il y aura du temps libre, je pose mon cul dans un bruit. Direction la Floride avec FOX. Mon bête de poteau, monter vidéo avec Lotus. Mon poteau, ou à Gaza avec Zaza. Dédicace aux frérots du vin moins un. Johnny X et tous les autres, pas que les autres. Ça, ta mouth sur le biscroll quand t'as rapproque, c'est pas carte. J'suis pas rappé toute ma vie, vu mon âge déjà, v'là le temps que j'ai fait des rimes. Y'en a marre, j'ai deux chances. Me ramasser les poids amis, il paraît que la route tourne. Mon tour est passé, j'vais pas m'voyer la face. Balérin, il fait gamin, y'a plus de phase. fin de phrase. Merci à vous, merci à tous ceux qui ont répondu présent. Ils sont la tournée avec ou sans fréquence. Esprit Vandal, volume 2, engrenage musique. Ouais.